Chapitre 3. Ucelin maigrissait. Un cerne large marquait ses paupières. Depuis 2 semaines, il amassait toute une science occulte. Il connaissait la quantité d'eau chaude que Jeanne et René utilisaient pour leur toilette. Il avait compté les poules et les lapins dans la basse-cour. Les jours de lessive, il se documentait dans un silence fébrile. Ses connaissances précises se mêlèrent dans sa tête à de vagues intuitions psychologiques. Son cerveau s'alourdit. Jeanne, heureuse et libre, dansait devant ses yeux, fluide, comme le génie des jardins et des ciels clairs. En se levant de table, Poteau avait coutume de faire 1 heure de musique. Ses épaules massives dominaient le piano. Ses mains larges ramassaient le clavier. Je plie la serviette de M. Foutrelle, je prends la bouteille de vin sous mon bras, j'emporte les petits pois. Qu'elle fût seule ou au milieu de ses maîtres, Berthe ne pouvait travailler qu'en se racontant. « Je vais mettre la salière à la cuisine. Je prends le couteau pour qu'il ne tombe pas. » Ce jour-là, Ucelin, étendu sur une chaise longue, considérait ses amis et philosophait sur Serpollet, le chat, Toupie, le chien, les chardonnerets perchés sur des branches de rosier. De plus, il chassait ou écrasait les moustiques selon qu'il se contentait de zézayer à ses oreilles ou sous son nez, ou qu'il tentait de s'y introduire. « Vous avez déroulé vos toiles ? » demanda-t-il en apercevant Fauvarque à la porte de l'atelier. « Venez vous asseoir là. Quel bon après-midi, n'est-ce pas ?» Ils parlèrent de choses et d'autres, du prince Adam et de M. Louvier, qui étaient venus les voir, du traité sur les passions entrepris par Ucelin, de la prochaine toile où Fauvarque grouperait les animaux. Puis il y eut un silence où la pensée du peintre alla rejoindre la phrase de Ucelin, restée sans réponse, « Une belle après-midi, n'est-ce pas ?» Et ces simples mots, tels une couleur qui se dilue dans une eau claire, déteignirent sur sa conscience. « Oui, une belle après-midi, dit-il. Moi, des journées comme celle-ci me donnent une sensation de plénitude qui étouffe n'importe quel désir. Je sais bien que vous êtes ainsi, balbutia Ucelin. Il y a des gens qui se plaignent du monde, reprit le peintre, mais le monde est un paradis. C'est au point qu'on devient égoïste. J'ai reçu tout à l'heure une lettre de ma mère, où elle me dit qu'elle est malade et qu'elle a besoin d'argent. C'est entendu, je vendrai 2 fauteuils, 1 tapis. Cela fera en tout 3 billets de 100 francs. Et je devrais être malheureux comme les pierres. Mais que voulez-vous? On oublie dans ce jardin féerique que la souffrance existe. D'ailleurs, existe-t-elle? Elle existe, dit Ucelin. Vous croyez? Est-ce qu'elle n'est pas encore une invention? Moi, je crois que la souffrance est comparable au ciel noir et aux arbres dépouillés de l'hiver, que tout le monde s'accorde à trouver lugubre, alors que c'est simplement beau. Aussi beau que la lumière et le printemps. Asseyez-vous donc, répéta l'écrivain. Non, je vais voir chez le père Plomion mon petit poulain, café au lait. Délicieux petit poulain. Il doit figurer dans ma prochaine toile. Cet homme est intelligent, se dit Ucelin en le voyant sortir. Nous sommes faits pour nous entendre, mais la vie nous sépare. Ses yeux se portèrent sur René, qui se promenait seul dans le jardin. Il l'appela d'un signe et lui dit « Quel étrange sentiment on éprouve à voir des amis comme les nôtres, si intelligents, si fins, donnant une si belle impression de santé morale, se débattre dans des affaires, dans des ennuis. Je n'ai rien remarqué, de quel ennui parlez-vous ? » Il se leva, marcha auprès d'elle, et lui parla de la maladie de la mère de Fauvarque, des meubles qui, un à un, désertaient la maison. « C'est douloureux, murmura René, surtout quand on songe à la valeur d'Henri. Avez-vous connu beaucoup d'hommes de sa force, de son activité ? Je l'admire profondément. Moi, dit Ucelin, je l'aime comme un enfant qui serait issu de mes entrailles. C'est vrai, approuva René, on ressent à la fois le besoin de l'exalter comme un grand esprit et de le protéger comme un enfant. C'est un sentiment que j'aurais craint d'exprimer la première. Pourquoi cette défiance envers vous-même ? Il faut toujours oser dire ce qu'on éprouve. C'est parfois tellement ridicule. Il faut certes que vous soyez en confiance, que vos sentiments ne craignent pas l'air glacé au sortir de votre âme. Quelqu'un doit être là pour les accueillir avec le mystère d'un nid qui reçoit la couvée. Est-ce que Poteau est tendre avec vous ? Vous posez des questions auxquelles il est difficile de répondre. « Vous pouvez me parler comme à une mère. Insensiblement, ils s'acheminèrent vers le potager, par une étroite allée, où ils se heurtaient de l'épaule et de la hanche. « Nous nous connaissons depuis de longues années, » dit la jeune fille, « mais c'est la première fois que je me trouve seule avec vous. Nous sommes malgré tout des étrangers l'un pour l'autre. Tant mieux, » fit Husselin. « Ce n'est qu'à la première rencontre avec quelqu'un que je me sens en sûreté. Généralement, le passé d'une amitié est un tissu de rancune. Croyez-vous ? Souvent. Chez moi, les sympathies sont brusques et totales. Vous aurais-je connu ce matin que je serais déjà capable de vous livrer ingénument les secrets de ma pensée ? Et si j'avais derrière moi une trahison, un vol, un meurtre, je vous les confierais, mettant ainsi ma vie entre vos mains. » Quelle candeur étonnante ! S'écria René. On est généralement plus rétif à se livrer pour des choses qui ne sont même pas des crimes. Ils avaient l'illusion de ne s'être jamais entendus parler avant cette minute. Quand Husselin discourait pour les autres, René était encline à le trouver maniéré et paradoxal. Aujourd'hui, elle était séduite par l'élégance naturelle de son esprit. Pour sa part, Husselin découvrait en sa compagne un don d'observation que le voisinage vif, joyeux, endiablé de Jeanne faisait d'ordinaire paraître un peu lourd. « Poteau n'est pas comme vous, » reprit René. « Ah, vraiment ? Il est fermé, hérissé, même avec moi. J'aimerais à connaître ses projets, à vivre dans l'intimité de son travail. Mais non, il m'aime, c'est tout. Et je me demande parfois d'où vient cet amour, comment il vient et pourquoi il vient. » Elle dit cela en souriant. Mais Husselin fit à cet aveu un accueil grave. « Dans ce cas, remarqua-t-il, vous ne connaissez de lui qu'une apparence. C'est assez triste. Non seulement un mari fermé ne s'épanche pas, mais on ne peut pas davantage s'épancher en lui. Il suspecte les confidences. Il n'en veut pas. Il lui suffit d'avoir l'image que vous êtes contre l'image qu'il est lui-même. Voulez-vous que je lui parle ? Vous voulez parler à Poteau ? Je crains qu'il ne le prenne mal. » Car il est méfiant, vous savez. J'ai trop le culte des sentiments qui vous sont chers pour aller les compromettre grossièrement. Parmi tous mes défauts, il s'est trouvé égaré sans doute une qualité dont je suis sûr. C'est un tact, un souci des êtres, une science pour les aborder sans les effaroucher. Il reprit après une pause. Mais au moins, croyez-vous que Poteau puisse un jour vous assurer une vie aisée ? René baissa la tête. Husselin l'amenait tout doucement dans l'inquiétude où il vivait. « Vous avez ici l'exemple de Fauvarc, » ajouta-t-il. René allait répondre quand elle entendit Poteau qui l'appelait d'une voix furieuse. Elle dut quitter Husselin précipitamment. « Nous recroserons, » fit-elle en s'éloignant. Resté seul, Husselin, qui avait une peur maladive des poings musclés de Poteau, porta ses yeux sur les plates-bandes. Il observa les haricots lustrés et humides. Ensuite, il admira par-dessus la clôture les champs lumineux et le sommet frémissant des arbres. Estimant enfin que rien de fâcheux ne pouvait plus se produire, il retourna dans le jardin et s'assit sous le marronnier. Il était là depuis un quart d'heure lorsque Jeanne parut. Elle vit Husselin et lança « Bonjour !» Il répondit d'un ton singulier « Vous êtes bien pressé. Vous aviez à me parler ? J'aime toujours à échanger un mot avec vous. À vos ordres, monsieur Victor Husselin. « Vous vous moquez de moi ? Je suis gai, est-ce que cela vous fâche ? Venez ici. » Elle s'approcha et il se donna la volupté de demeurer assis, bien calé dans son fauteuil, tandis qu'elle restait debout près de lui. Il lui demanda ce qu'elle faisait, où elle allait, pourquoi elle riait toujours, pourquoi elle était toujours pressée, pourquoi il était impossible de la garder sur une chaise longue quelques instants à côté de soi. Puis, comme elle répondait, il s'immobilisa, la face levée vers elle. Il s'enivra du mouvement de ses petites lèvres écharnues, des hachures d'or de ses prunelles. Mais il n'écoutait pas ce qu'elle disait. Sa gaieté, songeait-il, n'est plus celle d'autrefois. J'y voyais alors le reflet de Fauvarc. C'est maintenant un jaillissement égoïste dont la source est en elle et qui retombe en elle, le prélude ordinaire des grandes décisions de la femme. « Vous devez avoir horreur des histoires d'argent, » dit-il brusquement. « Moi ? Horreur ? Mais à quel propos ? Vous avez horreur de toutes les vilaines choses. » Il l'attira vers lui par la main. « Croyez-vous que Fauvarc travaille assez ? Il est tout le temps dans son atelier. Oui, il fait des fresques. Qui ne s'en vendront pas ? Il ne pense guère à la vente, » répondit Jeanne. « Je me demande s'il pense à vous. Oh, lui, il m'aime, j'en suis sûr. Seulement, il s'imagine que vous n'avez besoin de rien. La vérité est que j'ai besoin de peu de choses. Enfin, je vois ce que je vois. Vous êtes jolie, charmante, pétrie de goût. Le moindre chiffon vous sied, mais vous n'êtes pas élégante. Pas élégante, fit Jeanne. Elle était devenue rouge. Ses yeux se remplirent de reproches, car la critique ne portait plus seulement contre Fauvarc, elle l'atteignait elle-même. Jeanne, ma petite amie délicieuse, ne prenez pas ce méchant visage. Je voulais dire que vous n'êtes pas habillée comme vous devriez l'être. Moi, je vous vois dans des étoffes, des velours, des... Ses deux bras arrondis enveloppaient Jeanne. Ils vibraient autour de son corps sans même effleurer les plis de sa robe. Cette possession fictive grisait Husselin. Et sans qu'elle pût s'en rendre compte, il la pénétrait, s'exaltait d'elle. Secouant son beau front large, elle dit « Non, non, je ne me vois ni dans vos étoffes, ni dans vos velours. » Mais d'un ton d'autorité qui impressionna la jeune femme, il s'écria « Pourquoi protestez-vous, puisque c'est votre bonheur qui me préoccupe? Oui, votre maison est vide. Et moi qui vous aime, je vois les catastrophes qui vous menacent. Laissez-moi travailler pour ma petite idole. Je veux que vous soyez riche. » Et il reprit plus doucement. « Ces choses que je vous dis pourraient vous inquiéter. Pourtant, mon intention est tout autre, Jeanne. Je vous en prie, ne vous tourmentez pas. » « Qui dit que je me tourmente ? Ayez confiance en Fauvarc. » « Qui vous dit que je n'ai pas confiance en lui ? Ayez confiance en Fauvarc, parce que moi, je ne l'oublierai pas. Je veille ici sur votre foyer comme si c'était le mien. Mes nuits se passeront à édifier votre bonheur. Si votre mari veut me suivre en toutes choses aveuglément, je vous promets, Jeanne, que vous pourrez mener enfin l'existence large qui seule convient à l'être gracieux et frêle que vous êtes. » Ce disant, il la saisit, l'attira contre lui. Sans même se rendre compte qu'elle le frappait au visage, il plongea ses joues au creux de la poitrine, entre les seins, sous les aisselles, en balbutiant. « C'est uniquement pour vous protéger, ma petite Jeanne. » Mais elle s'était déjà libérée. Frémissante, sans un mot, elle entra dans la maison. « Elle ne m'a pas compris, personne ne me comprendra jamais, ce Husselin. Mes plus nobles élans sont accueillis avec méfiance. Quelle étrange destinée que la mienne !» Il éprouvait cependant un grand besoin d'être généreux, d'être bon, d'être doux. Son geste brutal lui paraissait un acte d'adoration très pur. Les bienfaits vagues qu'il avait en projet lui semblaient réalisés. Il songea « J'ai agi suivant mon cœur. En vérité, que deviendrait-elle sans moi ?» Et déjà posant les yeux sur la maison paisible, il crut voir ruisseler une pluie d'or sur les murs.